Elle est fascinante, l'histoire de Paul Desmarais. Si vous le connaissez pas, là, les journaux débordent à matin, là, autant de témoignages que de son histoire qui remonte à loin, puis comment il a bâti son empire, comment il a bâti ses milliards, mais ça en prend d'autres, des histoires de même. Est-ce qu'on favorise ça au Québec? La réponse est non. Un Paul Desmarais en devenir, un Paul Desmarais qui a mon âge, qui a ton âge, qui a l'âge des gens qui nous écoutent, est-ce qu'on lui met des bâtons dans les roues au Québec ou est-ce qu'on le propulse vers le haut? T'sais? Au Québec, là, c'est-tu qui est valorisé? C'est la pauvreté. On valorise les pauvres au Québec. On n'a pas de notion économique beaucoup au Québec, hein, non plus. Au Québec, Denis, là, on pense que quelqu'un qui gagne 100 000 par année est un riche. Oui. OK? Comprenez-moi bien, quelqu'un qui gagne 100 000 par année, c'est un bon salaire, capable de payer ses comptes. Mais on pense que c'est quelqu'un qui est riche, ça, 100 000 par année, puis qui roule en Jaguar, puis qui a la grosse maison, puis qui prend du champagne à tous les repas. On pense ça au Québec, là. C'est pas ça, un riche, là. Et la personne qui gagne 100 000, on commence à l'haïr parce qu'il est riche au lieu de se dire, « Hey, moi aussi, dans 2 ans, je vais faire 100 000, exactement, puis je vais payer exactement, mes comptes. » Exactement, mais dans la mentalité, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ouais. On pense que quelqu'un qui fait ces salaires-là est quelqu'un d'extrêmement riche. C'est pas ça, un riche. Un riche, là, c'est comme Paul Desmarais qui vaut 4,4 milliards. Mais c'est ça, un riche. Mais tu comprends que Paul Desmarais, à un moment donné, faisait 100 000 par année. Ben, faut que tu commences à quelque part, oui, tu sais. Mais comment tu passes de quelqu'un qui fait un salaire avec lequel il peut payer ses comptes, il peut payer ses taxes, puis commencer à acheter, par exemple, une voiture, une maison, peut-être un chalet puis un 4 roues. Peut-être qu'il rêve de lancer une entreprise. Peut-être qu'il rêve de partir quelque chose de différent et d'unique. Est-ce qu'on l'aide au Québec, non, cet entrepreneur-là? C'est pas ça qu'on valorise au Québec. Au Québec, on favorise quelqu'un qui porte un carré rouge, qui se promène en guenille, qui se lave pas, qui... Ça, c'est valorisé. Quelqu'un, un pauvre, là, ça, au Québec, là, ça, c'est un héros. Ça, c'est un héros, puis ça... On en fait des héros romantiques, on les invite dans les grandes émissions. Quelqu'un qui valorise le nivellement par le bas, là... Ouais. Ça, c'est un héros au Québec. Un guenillou, là, ça, on aime ça, les guenillous au Québec. Mais je trouve qu'on est rendu de même dans tout, puis je trouve ça dommage. Quand je regarde autour de moi, je me dis, tu sais, le Guy Lafleur de ma génération, il est où? Voilà. Le René Lévesque de ma génération, il est où? Non, le Harmonium de ma génération, il est où? Non, mais je peux te dire où ils sont, les révolutionnaires, les petits mini-révolutionnaires cheap de ta génération. Là. Ça, eux autres sont importants. Pourquoi? Eux autres, on les admire au Québec. Pourquoi on n'en a plus de success story? Pourquoi on n'en a plus de héros? Parce qu'on favorise la pauvreté et les guenillous au Québec. On fait des héros, on fait des entrevues de 3 quarts d'heure avec des guenillous au Québec. C'est ça qui arrive. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on valorise. T'es héros sportifs puis t'es héros économiques. Je peux pas t'y nommer. Mais toutes les guenillous en chef puis les... Ça, je peux t'y nommer, par exemple. Ça, je pourrais t'en parler longtemps. On va me tordre le bras, là, pour que je retourne voter après les municipales, peut-être au mois de décembre, là. J'ai le choix entre un gars qui endort ses propres partisans dans un discours technocrate, Philippe Couillard. J'ai le choix entre une première ministre qui rit forcée quand on lui pose des questions puis qui a pas de réponse. Puis qui nous parle comme une mère qui comprend tout, mais qui, dans le fond, comprend rien. Ou encore un gars qui, à force d'être tout le temps assis entre 2 chaises, est en train de perdre tout le monde. Sont où mes politiciens d'envergure? Moi, sont où mes héros? Sont où mes idoles? Les héros, veux-tu te dire, c'est qui les héros au Québec? C'est Kadir et compagnie pis sa gang de Québec solidaire. C'est eux autres qui... Mais il y a personne qui trippe sur Couillard et Marois. Non! Mais des tripeux de Kadir pis de Françoise David, ça m'a tant trouvé. C'est ça qu'on valorise. C'est cette mentalité-là de communiste qu'on valorise au Québec. Mais qu'est-ce qui a changé, Jérôme? Qu'est-ce qui a fait qu'à une époque, on avait... Pis c'est partout, là. Excuse-moi de revenir avec le sport encore, mais c'était à tous les niveaux. On avait des idoles au niveau de la politique, on avait des idoles au niveau du sport, on avait des idoles au niveau de la culture où on n'avait pas peur d'aller botcher un Offenbach ou un Harmonium contre un Genesis ou un Supertramp. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? On a encore des idoles. C'est là que tu te trompes. C'est là que je suis pas d'accord avec toi. Le Québec en a encore des idoles, mais c'est des petits révolutionnaires à 25 cents qui se promènent avec un morceau de guenille rouge sur le veston. C'est ça les héros des dernières années au Québec. Ah, là. Non. Non. Je te parle pas de moi. Il y a pas personne qui a un poster de Gabriel Nadeau-Dubois dans sa chambre. Arrête-moi ça tout de suite. Là. Mais il y a des tripeux d'Amir Kadir, de Gabriel Nadeau-Dubois. Un poster, là. Hey, on parle encore du printemps érable. Cette expression-là a collé 2 ans après, Denis. On considère ça comme quelque chose qui a changé le Québec. C'est ça la réalité au Québec. C'est pas vrai qu'on a plus de héros. C'est ça nos héros à cette heure. C'est ce gang-là, là. C'est ça, là. C'est la gang de communistes. Y a pas, non. C'est ça, là. Y a pas un enfant qui grandit en disant, je vais devenir GND. Sais-tu qu'est-ce que mon adolescent m'a dit dimanche soir? On regardait la TV, là. On regardait la TV, ben, dit, hey, il est intelligent, lui, hein. Il parle bien, lui, hein. Il parlait du gars, là, qui était là, là. Tout le monde en parle, là. Lequel? Le gars qui a sorti un livre. Le carré rouge, là. Celui qui a sorti un livre, là. OK. Il y a des gens qui admirent. Et c'est les nouveaux héros du Québec, c'est ça, Denis. Il y a des mères qui voulaient adopter Léo Bureau-Blouin à un moment donné. Léo Bureau-Blouin est un héros au Québec, là, pour bien du monde. Là. Ça, c'est l'avenir. L'avenir du Québec, pour bien du monde, c'est Léo Bureau-Blouin. Puis on le regarde aller, puis on trouve donc qu'il se présente bien. Puis il nous fait donc bien penser à Claude Charron dans le temps, jeune politicien péquiste et rempli d'avenir. C'est ça, les héros au Québec. Puis finalement, as-tu fait une statue à Jean-Martin Hossan où on n'a pas eu le temps? Quel bon exemple. Tu sais, sérieusement, ce gars-là, bon là, on exemple. Était sur le bord de le mettre dans le panthéon de la politique. Mais là, vous mélangez les modes et les héros. Excusez, mais Jean-Martin Hossan puis Gabriel Nadeau-Dubois, là, c'est comme les jeans délavés à l'acide puis les espadrilles 301. Là. Ça fait 6 mois, tout le monde en veut, puis le 7e mois, non, personne ne veut rien savoir. Moi, je te parle de ceux des dernières années. Là. Tu dis, on n'a plus de héros au Québec. Ben, on en a eu dans les dernières années. Regarde les 2-3 dernières années, là, c'est ce monde-là. Là. C'est ceux qu'on glorifie, qu'on veut voir partout, qui ont le droit de se prononcer sur tout, dont on fout du background, ces autres. Moi, je suis pas d'accord avec vous autres. Les héros, là, moi, je les vois mourir un par un. Là. Quand j'entends parler d'un héros, là, c'est pour savoir à quelle heure il va être exposé puis c'est où qu'il faut faire la file. J'entends parler des héros de mes parents. Les héros de ma génération, là, le dernier qu'on a eu, c'est quoi? C'est Patrick Roy qui a levé des coupes non, Stanley? Non, mais c'est parce que toi, tu te reconnais pas dans les héros de nouvelle génération. Ils ont bel et bien leur modèle et leur marche à suivre. Un héros, tout le monde se reconnaît dans un héros. On passe à travers une couleur politique. Ouais. Tout le monde se reconnaît dans Spider-Man, dans le film. René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau, c'était la même affaire dans le temps. Maurice Richard, Guy Lafleur. Tout le monde se reconnaissait pas dans Trudeau. Dans un ou dans l'autre. Ça faisait pas l'unanimité Jérôme, René Lévesque non plus. Là. Jérôme, dans un ou dans l'autre. Ouais. Ouais. Puis on en avait deux. On a-tu ce luxe-là présentement? Ouais. Puis l'autre avec affaire. Stephen Harper, avec Thomas Mulcair, avec le fils de l'autre. Puis nous autres, au provincial, on a quoi pour l'autre bord? On a Pauline Marois, François Legault, Philippe Couillard. On a d'autres héros aussi, puis je pense qu'on en parlait tantôt, Denis. Les filles d'Occupation Double. Ben oui. Les gars aussi, d'Occupation c'est des héros, là. Il n'y a pas de gars d'Occupation Double. C'est les filles d'Occupation Double. La gagnante de la c'est voix. C'est des héros, là. La gagnante de la voix. Oui, exactement. Mais mon c'est point ça, est là. Mon point est là. Tu veux plus devenir un artiste qui fait de la musique actuelle. Tu veux gagner la voix. Tu veux plus partir une entreprise puis devenir PDG. Tu veux gagner au dragon. Tu veux pas ouvrir un restaurant, tu veux gagner au chef. Ouais, mais tu veux plus devenir le gars qui score 3 buts avec le Canadien. Tu veux gagner à Occupation d'eau. Ouais, mais quand moi, je capote. Mais quand tu crisses le bordel à Montréal aussi, tu peux être reconnu. Un héros, ouais. Tu peux être un héros aux yeux de certaines tu personnes. Vas quand tu t'essayes de virer, quand tu crées le chaos dans la plus grande ville au Québec pendant quasiment un an de temps, puis que tu chies sur le capitalisme, là, puis que tu te comportes comme un guenillou, tu peux être un héros aussi pour la solution, du c'est l'anarchie. Hein? Une nouvelle révolution au Québec. Exactement. Maurice Richard, y a-tu déjà viré un char sur le top? Non. Pendant que la ville était à feu et à sang, qu'est-ce qu'il faisait, Maurice? Il scorait des buts puis il déménageait des frigidaires. Moi, te le dire. Il mettait frapper un arbitre, là. Mais vois-tu, les héros, c'est ça. Ouais. Les héros, c'est ça. On oublie ou on passe par-dessus des erreurs parce que, justement, c'est trop fort, c'est des idoles. Patrick Roy a fait des erreurs dans sa vie. René Lévesque a fait des erreurs dans sa vie. Maurice Richard a fait des erreurs dans sa vie. Dans un film, on a glorifié le fait qu'il a fessé sur un arbitre. Essayez d'imaginer aujourd'hui qu'on ferait ça avec n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe, glorifier quelqu'un qui frappe un arbitre à coup de poing d'en face. C'est ça. Come on, man! C'est ça. Mais des Paul Desmarais, là, ça... puis garde, je pense qu'on n'est pas à veille d'en produire d'autres. Hein. On devrait... Parce qu'on valorise pas ça. Regarde, on s'entend peut-être pas sur les héros d'aujourd'hui, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'essaye plus d'en bâtir des héros, on n'essaye plus de les porter vers le haut. On veut que tout le monde soit égal. Mm-hmm. Je trouve ça tellement triste, je trouve ça tellement dommage. Mais regarde, là, matin, là, c'est des louanges à pleine page sur Paul Desmarais, là, parce qu'il est mort hier, là. Mais avant ça, là, est-ce que tu entendais souvent parler en bien de Paul Desmarais au Québec? Non. La réponse est jamais. Non. Jamais. Quand on parlait de Paul Desmarais, là, on parlait de son domaine. Là, pis... Il y avait un dédain, hein? Il y avait un dédain, puis 32 lacs sur le domaine, ça n'a pas de sens. Alors que le gars faisait vivre le coin. Là. Le gars carrément fait... Charlevoix, là, je vais pas faire de peine à personne ce matin, là, puis oui, il y a des beaux hôtels, là, mais Charlevoix, là, c'est loin d'être la région la plus riche au Québec, là. Ça fonctionne 6 mois par année, le tourisme fait vivre un peu, puis le reste du temps, c'est tranquille. Les touristes, quand ils sont là, parce que les gens de Charlevoix, c'est pas tout le monde qui vit dans la richesse. Hein. T'as la première ministre qui a sa belle maison sur le bord du fleuve. Va-t'en des terres, là. Des fois, ça ressemble un peu à Rosanna dans le temps d'une pelle. Les grosses maisons appartiennent pas aux gens de Charlevoix. Non, c'est des maisons d'été. Et Paul Desmarais faisait vivre le coin, là. C'est carrément ça. Mais t'entendais jamais parler d'une façon positive de Paul Desmarais parce que, on sait bien, c'est un fédéraliste. Pis le pire crime, c'était d'être riche. Le pire crime qu'il a commis, c'était d'être milliardaire. Et d'être ami avec les Bush. C'était, oui. Ça c'est un drame. Là, t'es un écœurant. T'es milliardaire, t'es ami avec George Bush en plus. Quel écœurant. Il a fait changer la vocation de l'aéroport dans ce coin-là pour pouvoir faire venir ses amis américains. C'est un scandale. Maintenant, les gens qui pourraient être nos héros et être nos modèles, s'il y en a, premièrement, sont plus au Québec, sont partis, puis deuxièmement, ils se cachent. C'est rendu que t'as honte quand tu fais fortune. Je me souviens qu'à un moment donné, dans le Journal de Québec, il avait fait une série de reportages sur des gens qui avaient réussi, puis nous autres, on voulait parler à ces gens-là en honte. Je sais pas si c'était là ou c'était avant avec Doom, mais les gens étaient mal à l'aise de parler de leur succès. Tu sais, quelqu'un qui est installé à Vegas, puis qui gagne des millions de dollars par année, on dit « Hey, on est une station de radio de Québec, puis on aimerait ça te parler, nous autres, puis que tu nous racontes ta montée au succès. Je suis mal à l'aise avec ça. Je sais que c'est mal vu au Québec de faire de l'argent, puis j'ai pas le goût de tomber dans la controverse. C'est pas normal. Ah non, on est mal à l'aise avec ça. T'sais, c'est un sujet tabou, l'argent au Québec. Mais dans le fond, je pense qu'on se rejoint un peu parce que c'est vrai que les héros, ceux qui auraient le potentiel d'être nos héros économiques, entre autres, ils sacrent le camp. Et ça crée un vide et c'est des BS qui prennent leur place. T'sais, tu comprends-tu? Là, c'est un peu ça la réalité. C'est des guenillous, des BS qui prennent leur place. On va être riche, mais tout le monde égal. Il y a un vide qui se crée, donc il y a quelqu'un qui apprend la place. Mais avant, quand tu prenais la rue, souvent c'était pour défendre un héros. À cette heure, tu prends la rue en te regardant le nombril. T'sais, ça n'a plus de valeur, ça ne vaut plus rien. Moi, ça me fait de la peine. Je suis triste. Le lendemain du décès de Paul Desmarais, de regarder autour de moi puis de me dire, sont où les prochains, tu sais? On les aide-tu, les prochains? Ouais. Mais on passe notre vie à pointer ces gens-là du doigt, à les jalouser, à les haïr, à essayer de les montrer comme des espèces de Monsieur Burns dans le manoir, tu sais, qui décident des destinées de tout le monde. Alors que, souvent... T'as des artistes peintres, t'as des musiciens, t'as des gens de culture qui et des travailleurs qui vivent à cause de gens comme ça. Puis les BS payent de l'impôt aussi, ces gens-là qui font de l'argent. Faut pas l'oublier. Oui, ils vont dire que, ah, mon Dieu, ils mettent de l'argent à l'étranger, mais il reste qu'ils ont des bons montants d'argent qui sont dépensés ici. Sont où nos leaders? On va aller voter deux fois là dans les 6 prochains mois. Là. Sont où nos leaders? Please, stand up. Ça ferait du bien. Il est 7h16.